Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Pochette, notre émission dans laquelle on vous conseille un album toutes les deux semaines en alternance avec La Boîte à Gants. Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs écouter La Boîte à Gants, la première partie de notre interview de How Circle Connection qui a été menée par Bichente d'une main de maître. C'est disponible sur notre site internet radionoculture.wordpress.com et la semaine prochaine vous aurez la seconde partie. Aujourd'hui on va s'intéresser à un groupe de rock, un groupe de shoegaze exactement, et vous demandez certainement ce que c'est le shoegaze. C'est un mot anglais qui veut dire qui regarde ses chaussures littéralement, parce que c'est un style de rock assez planant et qui utilise beaucoup de pédales d'effet à la guitare, à la basse aussi parfois, mais c'est surtout des gros assemblages de pédales à la guitare, d'où le fait de toujours regarder ses chaussures pour savoir où on en est, quelle pédale est activée, etc. Aujourd'hui on va parler d'un groupe qui s'appelle Leon, qui vient de Bilbo et qui a sorti en 2017, il y a 6 ans déjà, un EP qui s'appelle Twice, de à peu près 25 minutes, quelque chose comme ça. Il y a 6 petites chansons, 5 chansons plutôt et une petite intro. Ils ont fait d'autres choses que vous pourrez écouter sur leur Bandcamp, une petite session live avec 2 chansons et une démo avec 2 autres chansons, dont une qui va se retrouver dans l'EP qu'on va écouter aujourd'hui. Voilà, moi j'ai découvert ça il y a quelques années et j'ai été instantanément amoureux de ce son. C'est puissant, c'est planant, c'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà, vous pouvez donc retrouver cet album sur Bandcamp ainsi que sur YouTube si vous le voulez. Et voilà, donc c'est parti, on va écouter l'album Twice de Leon pour la pochette de cette semaine, et je vous dis moi la semaine prochaine pour la seconde partie d'How Circle Connection, l'interview d'How Circle Connection menée par Bichente. Salut.